إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، شهر رمضان هو شهر القرآن، هذا القرآن الذي يشفع لأصحابه يوم القيامة. لمواد رمضان لمواد قرآن ce قرآن le livre d'Allah تبارك وتعالى qui va intercéder pour ceux qui lisaient, récitaient, pratiquaient convenablement le Coran. Le Coran va intercéder en leur faveur le jour du jugement dernier. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه مسلم في صحيحه. D'après l'honorable compagnon Abu Umama radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez, récitez le Coran, car il viendra intercéder pour ses adeptes, ceux qui le suivaient, qui le pratiquaient, qui le récitaient, le lisaient, le jour du jugement dernier. Rapporté par Muslim dans son Sahih. Al-Qur'an khayrun kulluhu. Le Coran entièrement est un bien. Il n'y a que du bien dans le Coran. Man ta'allamahu wa 'allamahu kana min khayrin nas. Celui qui l'apprend, celui qui l'enseigne font partie des meilleurs des gens. Fa'an Amir al-Mu'minin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi. D'après l'honorable compagnon, le prince des croyants Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. Rapporté par Al-Bukhari. هذا القرآن تكون قراءته سببا لتثقيل الميزان. Ce Coran, sa récitation, sa lecture est une des grandes causes pour que la balance de la personne soit alourdie. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الألباني. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite une lettre du Coran, du livre d'Allah, aura une récompense, et la récompense sera multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par l'Albani. هذا القرآن تكون تلاوته سببا لرفعة الدرجة fil jinan. Ce Coran, sa récitation et sa lecture sera une cause pour l'élévation dans les degrés dans les jardins du paradis. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il sera dit au lecteur du Coran, à celui qui récitait le Coran, qui appliquait le Coran, l'adepte du Coran, il lui sera dit le jour du jugement dernier, récite et lis en psalmodiant, lis avec apaisement et quiétude comme tu le faisais dans ce bas monde, car ta place, ton grade sera au dernier verset que tu réciteras. C'est-à-dire que plus la personne va réciter et plus elle va monter en grade et en degré. Moins elle récitera et moins elle montera. Donc c'est pour cela l'encouragement de beaucoup lire et réciter et appliquer, pratiquer le Coran dans ce bas monde pour pouvoir plus lire le jour du jugement dernier et être plus élevé en degré. Le hadith rapporté par Abu Daoud, al-Tirmidhi, est authentifié par l'Albani. Qala Amir al-Mu'minin, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Law tahurat qulubukum, ma shabi'at min kalami rabbikum. Le prince des croyants, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, a dit, si vos cœurs étaient purs, si vos cœurs étaient purifiés, jamais ils n'auraient été rassasiés des paroles de votre Seigneur. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل فإنما القرآن كلام الله عز وجل. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, celui qui aimerait savoir s'il aime vraiment Allah azza wa jal, alors qu'il vérifie son état vis-à-vis du Coran, comment il est avec le Coran, s'il aime le Coran, alors lui il aime Allah azza wa jal, car le Coran est la parole d'Allah azza wa jal. Wa qala الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. L'honorable compagnon خباب ابن الأرت رضي الله عنه a dit, rapproche-toi d'Allah comme tu le peux, car tu ne te rapprocheras pas d'Allah avec une chose plus aimé auprès de lui que sa parole. من الآداب التي ينبغي للصائم أن يتحلى بها وهي كثيرة. Parmi les bons comportements que le jeûneur doit avoir, doit appliquer et pratiquer, elles sont nombreuses, parmi lesquelles أن يقوم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية ومن أهمها الصلاة المفروضة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. Il doit s'acquitter des devoirs envers Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit pratiquer ce qu'Allah lui a ordonné ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les adorations de la langue et des membres du corps. Et parmi les plus importantes, si ce n'est la plus importante, après les deux attestations de foi, après les deux témoignages de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a la prière obligatoire qui est l'un des plus importants piliers de l'islam. La prière est bien plus importante que le jeûne. Il est dommage de voir des personnes donner l'importance au jeûne, qui est un acte important, mais au même moment, ils délaissent ce qui est plus important, qui est la prière. La prière, c'est l'action qui distingue le musulman du non-musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. La distinction, le point distinctif entre nous et eux, c'est entre les musulmans et les non-musulmans, les mécréants, il y a la salat. C'est l'acte visuel qui va les distinguer. Celui qui la délaisse fait un acte de mécréance. Donc la gravité du délaissement de la prière. Et tout bon musulman se doit de pratiquer cette grande adoration qui est la prière. Il doit répondre à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala 5 fois par jour au minimum. Ces actes qui sont obligatoires. Après, la personne se rapproche d'Allah par les actes surrogatoires, les actes recommandés. Comme Allah le dit dans le hadith à thème divin, le hadith Qudsi: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث الله تبارك وتعالى dit dans ce hadith à thème divin, dans ce hadith Qudsi: celui qui prend comme ennemi un de mes alliés, un de mes proches, je lui déclare la guerre, et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose plus aimée de moi, si ce n'est ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires, les actes conseillés et recommandés, jusqu'à que je l'aime. Le hadith. وَأَنْ يَجْتَنِبَ الصَّائِمُ جَمِيعَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ. Et aussi le jeûneur se doit de s'éloigner, de s'abstenir de tout ce qu'Allah a interdit, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, que ceci concerne des paroles ou des actes. فَيَجْتَنِبُ الْكَذِبُ وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ. Il doit s'éloigner, s'abstenir du mensonge. Et qu'est-ce que le mensonge? C'est de dire, de rapporter, d'informer d'une chose qui est contraire à la réalité. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: soyez véridiques, parlez avec véracité, car la véracité de parler véritablement, cela mène vers le bien, et le bien mène vers le paradis. Et l'homme ne cesse de parler avec véracité et d'être véridique jusqu'à qu'il soit écrit auprès d'Allah comme véridique. Et attention, mise en garde, il nous prévient contre le mensonge, car le mensonge mène vers le mal, et le mal mène vers l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de parler avec mensonge jusqu'à qu'il soit écrit auprès d'Allah comme menteur. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, craignez Allah, faites preuve de piété envers Allah et soyez avec les véridiques. وَأَعْظَمُهُ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et le pire, le plus grave des mensonges, c'est de mentir sur Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car le mensonge à l'encontre d'Allah et de son prophète n'est pas comme le mensonge des gens les uns envers les autres. Car en mentant sur Allah et son prophète, tu ramènes une chose dans la religion. Tu légifères dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme Allah nous dit dans le Coran: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Et quel est le plus injuste que celui qui a proféré un mensonge à l'encontre d'Allah, تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et ne suis pas, ne parle pas ce sur quoi tu n'as pas connaissance, car sur lui la vue et la raison sur toute chose tu seras questionné. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Et ne parlez pas de par ce que profèrent vos langues comme mensonge, en disant ceci est permis et ceci est interdit, pour proférer un mensonge à l'encontre d'Allah, car ceux qui agissent ainsi ne réussiront pas. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna kadhiban alay laysa ka kadhibi ba'dikum ala ba'd, faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: un mensonge à mon encontre n'est pas comme un mensonge les uns envers les autres, que celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et c'est pour cela qu'il incombe un point important de bien vérifier les récits, les hadiths, lorsque vous entendez ou vous recevez des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est bien des hadiths authentiques, véritablement dit par le prophète alayhi salatu wassalam. Car il y a des hadiths qui sont inventés, des hadiths qui n'ont aucune origine, des hadiths qui sont faibles, qu'il ne faut pas affilier au prophète alayhi salatu wassalam. ويجتنب الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. Et le jeûneur aussi s'éloigne et s'abstient de la médisance. Qu'est-ce que la médisance? C'est de parler derrière le dos de ton frère en racontant des choses à son égard qu'il n'aurait pas aimé entendre. Ce sont des vérités. Tu n'as pas menti. Tu as dit une vérité sur lui. Mais ce sont des choses qu'il n'aurait pas aimé entendre, qu'il n'aurait pas aimé qu'on dise sur lui. Et c'est ça la médisance qui est interdite. Et si jamais tu as inventé sur lui, tu as menti sur lui, tu aggraves ton cas. Là, tu commets plusieurs péchés. Tu as commis le péché d'avoir fait de la médisance et tu commets le péché d'avoir menti à son égard. وَيَجْتَنِبُ النَّمِيمَةُ وَهِيَ نَقْلُ كَلَامِ شَخْصٍ فِي شَخْصٍ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَ بَيْنَهُمَا. Et il s'abstient, il s'éloigne de An-Namima. An-Namima, c'est le colportage. De colporter les paroles de l'un vers l'autre pour mettre la zizanie et la discorde entre les gens. Il a dit ça sur toi, je l'ai entendu parler sur toi. Et tu sais que cela va amener l'animosité, va amener la discorde entre les personnes. Et toi, tu es là pour servir d'intermédiaire dans ce mal, dans ce travail satanique qui est de colporter les paroles des uns vers les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit bien dans son hadith: La yadkhulu al-jannata namam, n'entrera pas au paradis celui qui colporte, celui qui ramène les paroles des uns vers les autres pour mettre la zizanie, la discorde entre eux. Et combien ils sont nombreux. Et un bon musulman ne prête pas attention à ces gens-là et ils s'en éloignent. Moins on leur donnera de l'importance, moins on les écoutera et moins ils agiront ainsi. Donc il faut s'en éloigner. Les assemblées, les assises de médisance, les assises de namima, de colportage, il faut s'en éloigner. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Il faut les conseiller. Et un bon conseil à leur donner, c'est de ne pas leur prêter oreille. Car celui qui vient te rapporter, il rapporte de toi. Retenez cette sagesse. Celui qui vient à toi pour te dire un tel, il a dit ça sur toi, sache qu'il fait la même chose. Il va voir les autres et il colporte ce que toi, tu as dit. Et ça, ça ramène la zizanie, la discorde et la guerre entre les gens. Il faut s'éloigner de ces actions-là. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant deux tombes de musulmans, il a dit, alayhi salatu wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala l'informe de ce que les gens ne peuvent pas savoir. Et il dit à ses compagnons, radiallahu anhum, ces deux hommes dans leur tombe, ils se font châtier. Ils sont en train d'être punis. L'un d'entre eux, il ne se purifiait pas, ne se nettoyait pas après avoir fait ses besoins. Après avoir uriné, il ne se nettoyait pas. Et dans une des explications du hadith, il est dit, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas attention. En urinant, eh ben, l'urine allait les mêmes sur son corps ou sur ses vêtements. Il ne faisait pas attention à cela. Ça, c'est une des causes pour être puni dans la tombe, pour être châtié dans la tombe. Et il est même rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit que une des plus grandes causes de la punition et du châtiment de la tombe, c'est à cause de l'urine. Donc de bien faire attention. Et le second, la deuxième personne, il allait entre les gens avec le colportage. Il faisait une namima entre les gens. Voilà son problème à lui, pour lequel il est puni et châtié dans la tombe, qu'Allah nous en préserve. ويجتنب الغش في جميع المعاملات وفي جميع المناصحات. Il s'éloigne et s'abstient de toute forme de tromperie, tricherie. Le musulman est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de véridique. Il ne ment pas, il ne triche pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit: Man ghasha laysa minna. Celui qui trompe, qui triche, ne fait pas partie de nous. Lorsqu'on te demande conseil, tu es de bons conseils. Tu ne mens pas à la personne. Lorsque tu es commerçant, tu ne triches pas, tu ne mens pas aux gens. Sur la marchandise, l'état de la marchandise, tu es quelqu'un de droit. Cette volonté de vouloir vendre ta marchandise ne t'amène pas à être mauvais avec les gens. Tu es quelqu'un de droit et tu ne trompes pas. Tu passes des examens, tu ne triches pas. Tu remplis des documents pour avoir accès à quelque chose. Tout ce que tu as rempli, tout ce que tu as marqué est bien la vérité. Et il n'y a pas de tromperie dedans, ni de mensonge. On ne cherche pas à gagner un vil prix de ce bas monde par un moyen interdit. Ce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a écrit comme subsistance et le nombre d'années que tu devras vivre, tout a déjà été écrit alors que tu étais dans le ventre de ta mère. Lorsque l'âme a été insufflée en toi, l'ange vient écrire les quatre points pour la personne et parmi lesquels il y a sa subsistance. Personne ne pourra te la voler. Tu auras toute ta subsistance, elle viendra à toi, celle qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a prescrite. Et le nombre d'années que tu devras vivre, nul ne pourra le diminuer. Tu vivras la période et la durée qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété que tu dois vivre. Ça, c'est une croyance et une conviction du musulman. Et la subsistance, elle est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on ne la demande que par la piété et par la droiture, et non pas par des moyens qui sont mauvais, des moyens qui sont contraires aux enseignements du prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith: Inna ruha al-Qudus, yani Jibril alayhi salam, nafatha fi raw'i, ay fi nafsi, anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha, fa ajmilu fi talabi, fa inna ma 'inda Allah la yunalu bil haram. L'ange Gabriel, le Saint-Esprit, a insufflé en moi qu'aucune âme ne mourra jusqu'à qu'elle ait complètement pris sa subsistance et qu'elle ait atteint sa limite d'âge. Demandez ce qui est auprès d'Allah d'une bonne manière, d'une manière autorisée, d'une manière légiférée, car ce qui est auprès d'Allah ne se prend pas par des moyens qui sont interdits. Et vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de cet homme qui fait un long voyage. Il est complètement poussiéreux, dans un état qui prouve et qui montre qu'il est dans le besoin, dans la nécessité, dans la pauvreté. Et il lève ses mains pour demander à Allah. Il dit: oh mon Seigneur, ya Rab, ya Rab. Il est dans les conditions pour que sa dua soit exaucée. Il est en état de voyage. Il est dans une situation difficile, de nécessité. Il est dans le besoin de son Seigneur. Et il lève les mains. Donc les conditions sont réunies pour que cette dua soit exaucée. Mais au même moment, c'est quoi le problème? C'est que ses vêtements sont issus de l'interdit. Sa nourriture et sa boisson issues de l'interdit. Comment on va exaucer à cette personne? Donc du fait qu'il se nourrit et qu'il boit de l'interdit, il les a acquis d'une manière interdite, il est vêtu de vêtements qu'il a acquis d'une manière interdite, eh bien ces dua ne seront pas exaucés. Et une des grandes causes pour que les do'as soient exaucés, c'est de faire en sorte que tu ne manges que ce qui est permis. La nourriture, elle est permise et tu l'as acquise d'une manière permise. Comme lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, a demandé au prophète, sallam, demande à Allah pour que mes do'as soient exaucés. Et il lui a dit: fais en sorte que ta nourriture soit permise, soit dans le halal, tes do'as seront exaucés. Et une des femmes, parmi les pieux prédécesseurs, lorsque son mari sort de la maison pour aller chercher la subsistance, elle l'interpelle et elle lui dit: « Oh, un tel, ne ramène à la maison qu'une chose qui est autorisée. » Car sur la faim, le fait d'être dans la faim, on peut patienter. Mais sur le feu de l'enfer, on ne peut pas patienter. Donc ça, c'est important que le musulman se le rappelle. « وَيَشْتَنِبْ الْمَعَازِفْ وَهِيَ آلَاتِ اللَّهُ بِجَمِعَ أَنْوَاعِهَا » Il s'éloigne, il s'abstient de tous les instruments de musique. Ni il ne pratique ces instruments, ni il les écoute. Rien, aucune relation il n'a avec les instruments de musique qui ne sont que des instruments sataniques et ne sont pas enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdits. Et combien sont touchés par ce fléau qui est la musique, et un bon musulman s'en éloigne. Et la musique, hein, c'est le livre sacré de Satan. C'est le contraire du Coran. Et ceci empêche la personne de pouvoir savourer la lecture du Coran et de s'adonner au Coran de la bonne manière. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين